Je suis François, et la première fois que tu m'as entendu, c'était sur Radio Boncon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 13 mai 2020, nous célébrons l'anniversaire de Chloé Soulard et de François Boret. Chers amis, savez-vous ce qu'il s'est passé un 13 mai ? Eh bien, avant de vous présenter l'éphéméride de ce jour, je vous propose de faire un petit bond dans le temps et de revenir au jour béni du 13 mai 1991. Chloé Marie Soulard naquit à 15h20 à la maternité Francis Robert d'Anceny, en Loire-Atlantique. Fille d'Alain Jean-Henri Soulard et de Marie-Josée André Tarot, c'était un beau bébé, 3,570 kg pour être précise. Elle sera la grande sœur d'Hugo Clément Soulard et de Ophélie Naomi Soulard. Un petit rayon de soleil dans la vie d'Alain et José, ses chers parents, qui s'étaient mariés 3 ans auparavant, jour pour jour. En effet, le vendredi 13 mai 1988, Alain Jean-Henri Soulard, né à Cholet en 1957, fils de Robert Élie Yves Soulard et de Cécile Marie Marcel Soulard, née Messner, se marie avec Marie-Josée André Tarot, née à La Rouxière en 1959, fille de Joseph-Marie-Antoine Hermelin Tarot et de Odette Bernadette Annick Tarot, née Perrotto. Ils se marient donc entourés de leur famille, leurs amis et de quelques inconnus. On dit que la célébration de leur amour était incroyable et que la fête a duré 3 jours. Les habitants de La Rouxière s'en souviennent car d'ailleurs ils ont toujours la gueule de bois et gravée dans leur mémoire cette phrase prononcée par le maire de La Rouxière lors de la cérémonie à la mairie. Silence, le maire marie sa fille. Le maire de La Rouxière à cette époque n'était autre que Joseph Tarot, le père de Marie-Josée Tarot. Non loin de là, un 13 mai en 1994, dans le département du Maine-et-Loire, naquit Raphaël Guy Boret, fils de Philippe Jean-Yves-Jacques Boret et de Claire-Marie-Joseph Boret, née Biotto. 5 minutes plus tard, à 15h03, naquit François-Jean Boret, jumeau de Raphaël donc, mais également frère de Paul-Louis Boret, qui naîtra quelques années plus tard. À 5 ans, François connaissait les drapeaux du monde entier par cœur. Un enfant très intelligent, à l'avenir prometteur. Aujourd'hui donc, mercredi 13 mai 2020, François dit Bobo fête ses 26 ans, Chloé fête ses 29 ans et Alain et José fêtent leurs 32 ans de mariage. Si comme Alain et José vous fêtez votre anniversaire de mariage, voici quelques idées pour célébrer vos 32 ans d'amour. Les 32 ans de mariage, c'est les noces de cuivre. Le cuivre est associé à Vénus, la déesse grecque de l'amour et de la beauté, symbole de jeunesse et de féminité. Le cuivre représente la chaleur, le confort, la sécurité, autant d'ingrédients qui constituent l'essence même d'un mariage heureux. À la fois ductile, malléable et résistant, ce métal est également connu pour être un excellent conducteur d'électricité et de chaleur. Ce qui signifie qu'après 32 ans de mariage, votre union est plus chaleureuse et réconfortante que jamais. Envie de gâter votre douce moitié à l'occasion de vos 32 ans de mariage ? Encore faut-il dénicher LA bonne idée cadeau. Le miroir en cuivre est un clin d'œil subtil à la légende de la déesse Vénus, incarnation de la beauté et de la féminité. Vous trouverez également de très belles pièces en cuivre martelé. Bougeoirs, photophores, corbeilles, suspensions sont autant de présents intemporels pour un couple qui célèbre ses noces de cuivre. D'autres propositions, une casserole en cuivre, une corde de guitare, un pulvérisateur en cuivre, une pièce de 5 centimes ou encore un stérilet en cuivre. Oh, Alain, t'es là ? Oui, je suis là, Ophélie. Je voulais te parler du 13 mai. Le 13 mai, c'est le 133e jour du calendrier grégorien, ou 134e, en cas d'année bissextile. C'est le 24e jour du mois de Floréal dans le calendrier républicain français, et c'est le jour de la Valériane. Bien sûr, il y a eu quelques événements importants dans notre histoire qui se sont passés le 13 mai. Parmi ceux-ci, le 13 mai 1648, le roi Louis XIV a alors 9 ans, et sa mère, Anne d'Autriche, qui est en fait espagnole, s'occupe de la régence avec son ministre Mazarin. Ce jour-là, le Parlement publie un arrêt d'union, texte qui a pour but de contrer les exigences financières de Mazarin et limiter le pouvoir du souverain. C'est le début de ce qu'on appelle la Fronde, qui durera à peu près 1 an. Au début de la guerre de Vendée, le 13 mai 1793, les républicains s'opposent aux royalistes, à la Châtaigneraie, petite ville de Vendée, à peu près une centaine de kilomètres de La Rouxière. La bataille durera 2 jours et fut remportée par les royalistes et fit à peu près 500 morts, ce qui est absolument énorme. Partons maintenant au Brésil. C'est le 13 mai 1888 qu'est votée la loi d'or qui abolit l'esclavage des Indiens qui sévissait depuis la première partie du XVIe siècle. Cette loi est fêtée tous les ans au Brésil le 13 mai. En ce dimanche 17 mai 1917, la Vierge Marie apparaît à trois enfants à Fatima, au Portugal, au nord de Lisbonne. La Vierge convie Francisco, Lucia et Jacinta, les trois petits bergers, à six rendez-vous successifs tous les 13 du mois, jusqu'en octobre de la même année. En juillet 1917, elle leur confie trois secrets, à ne révéler qu'au pape. Le troisième secret sera révélé au grand public le 13 mai 2000. Il s'agissait d'une prédiction, l'attentat contre le pape Jean-Paul II du 13 mai 1981, qui aurait été sauvé miraculeusement par la Vierge Marie. Puisqu'on parle de religion, au 13 mai, on fête le troisième saint de glace et son teint de navet, Saint Servais. D'où les dictons, après la Saint Servais, plus de gelée. À la Saint Servais, se décide l'été. Avant la Saint Servais, point d'été. Passé la Saint Servais, on peut semer. Quand il pleut à la Saint Servais, pour le blé signifie mauvais. À la Saint Servais, sème ton chanvre, ou bien ne le sème jamais. Mais le 13 mai, on fête aussi les Rolandes. Ah, Sainte Rolande et sa dentelette. La dentelette de Sainte Rolande appartient à la famille des Montmirail. Pour contrer le mauvais sort, elle doit être portée autour du cou par la mariée lors des épousailles. Hélas, la sainte relique fut volée par Jacouille la fripouille. Après moult péripéties et à travers le temps et l'espace, Godefroy de Montmirail réussit à la récupérer. Et c'est le 13 mai 1112 qu'il épousa la douce Frénégonde de Pouille qui portait fièrement la relique sacrée autour de son cou. Ah, ah, c'est beau, c'est beau, c'est romantal et sentimentique. Alors Alain, si je peux me permettre, le 13 mai, c'est aussi la naissance de Robert Pattinson, qui est donc mannequin, musicien, acteur. Vous avez pu le voir dans Twilight, en Edward Cullen, en Cédric Diggory, dans Harry Potter. Harry, ramène mon corps auprès de mon père. C'est l'anniversaire également de Florent Motte, chanteur français qui chantait cette chanson. De Ewan Reon, un acteur britannique qu'on a pu voir dans Game of Thrones ou encore dans Misfits. De Grégory Le Marchal, bien sûr, chanteur et grand gagnant de la Star Academy saison 4, qui chantait Petit ange parti trop tôt. On fête aujourd'hui également l'anniversaire de notre grec préféré, Nikos Aliagas. Mais également de Christine Bravo, Stevie Wonder, Pierre Ninet, Lena Dunham, Stephen Colbert. Et si je peux me permettre, avant que Alain reprenne la parole, c'est aussi en 2011 la fin de la série Smallville qui se termine par un double épisode au bout de 10 saisons. Ah bah dis donc, c'est pas ta copine là-bas là? Je sais plus son nom, attends, elle s'appelle comment déjà? Ah bah si putain, c'est Louison. Oh, bonjour, vous êtes là? Excusez-moi, je suis l'astrologue remplaçante de Radio Boncon. Vous permettez? Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui. En effet, si vous êtes né un 13 mai, vous êtes taureau. Et moi j'adore les taureaux. Donc on va faire un petit point taureau. La paix, la joie de vivre, la sensualité sont des choses essentielles pour le taureau. Le taureau est d'une nature simple et calme, et son bonheur est atteint assez facilement. Sa décontraction et son sens pratique, en fait, le mènent invariablement là où il est heureux. Ce qui est important pour le taureau, c'est de construire patiemment, mais avec opiniâtreté. Ses efforts sont durables et sont rarement vains, tant ils sont constants et puissants. Le taureau est un être fidèle, solide, patient, persévérant, sensuel, stable, loyal, constructif, et il a un besoin important de sécurité. La planète maîtresse du taureau, c'est Vénus. Et Vénus, c'est la planète de l'amour. Ce qui lui donne donc une grande propension à plaire, à séduire, et le dote de pas mal de charisme, et d'une sensibilité artistique. Dans une moindre mesure, la Lune teinte également ce signe de ses caractéristiques, c'est-à-dire l'imagination, la sensibilité et l'intuition. Donc, comme je viens de le dire, le taureau est vénusien, mais aussi lunaire. Il est donc très sensible au plaisir de la gastronomie. Le taureau est insatiable. Il est gourmand, mais aussi gourmet. C'est également un amoureux de la musique, sous toutes ses formes. En bref, pour faire une généralité, le taureau, c'est un épicurien, par nature, qui a à cœur d'optimiser son plaisir dans toutes les petites choses qu'il entreprend. Le taureau aime les activités calmes, très loin de la vitesse ou du danger ou de la compétition. C'est des choses qui peuvent même lui faire horreur. Dans tous les cas, le taureau considère que les moments de loisirs sont faits pour se relaxer et se détendre, non pas pour se fatiguer. Se dépenser de façon trop violente et comble du gâchis, se mesurer aux autres, c'est des choses qui ne l'intéressent absolument pas. Son temps de repos, il est bien trop précieux pour ça. Sentimentalement, les natifs du taureau ont souvent un désir de stabilité et de sécurité. L'homme ou la femme taureau ont en commun le fait que la durée renforce leurs sentiments. Et, le saviez-vous, les taureaux ont le taux de divorce le plus bas de tous les signes du zodiaque. Incroyable, n'est-ce pas? En bref, le taureau aime ses habitudes et gare à ceux qui veulent le perturber. Physiquement, le taureau a souvent les traits du visage harmonieux, les lèvres charnues et sensuelles, le visage généralement carré ou ovale, le nez arrondi ou retroussé et le teint plutôt clair. La chevelure est imposante et brillante, le corps est bien proportionné, l'ensemble projetant une impression simultanée de douceur et de force. Et en général, ses couleurs préférées sont souvent le vert et le brun. En bref, pour faire plaisir à un taureau, il n'y a rien de plus facile. Invitez-le à manger, à bruncher, à déjeuner, à dîner, à petit déjeuner, bref, peu importe. Du moment qu'il y a de la nourriture à un moment ou à un autre, le taureau sera très heureux. Invitez-le à danser, invitez-le à regarder Breaking Bad, ou encore à une bonne petite soirée entre amis, quoi. Ouais, mais il y aura qui à la soirée? Excusez-moi, vous foutez quoi ici, monsieur? Eh ben, il est Capricorne. Bon, il y aura qui à cette soirée, là? Arrête! Bonjour, je suis Chloé, de la radio des bons cons. Quand je ne sais pas quoi faire, quand je m'ennuie pendant le confinement, j'écoute la radio des bons cons. La radio des bons cons, numéro 1 sur le hit. J'étais un homme heureux, avant de reconnaître que j'avais refoulé tout au fond de mon être cette pratique borderline et que beaucoup ne connaissent pas, qui pourtant était là au plus profond de moi. Oh, être acteur et gestion des femmes, j'y ai sans aucune permission préalable. Contre vents et marées, j'étais inébranlable, droit et fier de déposer ma médaille. Puis la rumeur naquit, mon secret ne fut plus. Sur les réseaux sociaux, je me suis senti nu. Et chier sur des femmes, chier sans aucune permission préalable. Je fus donc bouleversé de découvrir sur Twitter que quelques mots-clés pouvaient être révélateurs. Richard Berry caca, c'est assez anodin, mais la vérité est là, je ne peux en dire moins. Oh, être acteur et chier sur les femmes, chier, oui, chier, sans aucune permission préalable. Chronique cinéma. C'est pas quoi faire, l'air complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Lutin, malin, pestille. Waouh. Je la veux encore. Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Franchement. Voilà. Voulez-vous du Mozart? Voulez-vous du Stravinsky? Voulez-vous du Jean-Sébastien Bach? Ou du Bogoslavski? Louis Armstrong, Ellington, Cambesi ou bien Hampton? Esprit. Chantons le jour, dansons la nuit, chantons les beautés de la vie. Dansez la joie, chantez le vent, chantez la pluie ou le beau temps. Exaltez-nous, inspirez-nous, enchantez-nous, étonnez-nous. Aujourd'hui, une chronique cinéma dédiée à l'aînée d'une belle fratrie, Chloé Soulard, fille d'Alain et José, dont la cinéphilie n'est pas à lésiner. Chloé de 5 à 7, c'est le nom qu'Alain a choisi pour cette chronique. Un bel hommage à Varda, mais aussi à Michel Legrand, dont nous avons entendu quelques notes précédemment. Mais avant toute chose, et en guise d'introduction, Alain vous propose une petite virée dans l'année 1991, année de naissance de la douce Chloé. Alain, à vous ! À vous ! J'ai sélectionné dans l'année 1991 les films qui me paraissaient les plus emblématiques. Alors bien sûr, en numéro 1, l'incontournable et inoubliable Silence des agneaux, qui obtint 5 Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Anthony Hopkins et celui de la meilleure actrice pour Jodie Foster. En 2, je mettrai Terminator 2, le jugement dernier. Moi, je suis fan. Alors Chloé ne s'en souvient pas, car elle avait à peu près 2 ans et demi. Nous rentrions vers 1h du matin de je ne sais où, et Chloé était installée dans le canapé entre Fluo, son oncle, et un pote à lui à regarder ce film, sucette à la bouche. N'est-ce pas? C'est très bien de faire garder ses enfants par des gens passionnés de cinéma. Alors, en 3, bien sûr, Thelma et Louise, ou Suzanne Sarandon et Gina Davis, font un road trip magnifique et désespéré, avec en second rôle un brillant Harvey Keitel et la découverte d'un jeune, beau et charismatique acteur, Brad Pitt. Comment ne pas mettre en 4 la famille Adams? Délicieusement macabre, déjantée et délirante, ce bijou d'humour noir est remarquablement mis en scène par Barry Sonnenfeld, qui réalisera par la suite les Men in Black. Et que dire du casting? Parfait, avec les excellentes Angelica Houston, Paul Rulia, Christina Ricci et mon préféré, Christopher Lloyd, dans le rôle de Fétide. En 5, je mets dans le désordre Délicatessen, bien décalé et bien déjanté, qui avait beaucoup plu à Chloé, Hook, c'est quand même Steven Spielberg avec Robin Williams, Dustin Hoffman et Julia Roberts. Crochet, crochet, je t'ai accroché. Les Doors, excellent biopic de musicien de Oliver Stone avec un Val Kilmer extrêmement crédible en Jim Morrison. Et il y a aussi Talon aiguille de Pedro Almodovar et le très réussi Disney de l'année, La Belle et la Bête. Et dans les films français, pas grand-chose. Bien sûr, le Van Gogh de Maurice Pialat qui valut à Jacques Dutronc le César du meilleur acteur. Mais surtout, Tous les matins du monde, César du meilleur film, meilleur réalisateur pour Alain Corneau, meilleure photo, meilleur son, meilleure musique originale, meilleure actrice dans un second rôle pour Anne Brochet. Et moi, personnellement, je regrette que Jean-Pierre Marielle n'ait pas eu le César du meilleur acteur masculin, parce qu'il le méritait largement. Et n'oublions pas, évidemment, Jacques de Nantes, de Agnès Varda, qui raconte la jeunesse d'un certain Jacques Demy, qui a réalisé Les Demoiselles de Rochefort, film cher au cœur de Chloé, et bien sûr, tourné à Nantes. Et dans les films les plus mauvais, eh bien le film le plus mauvais de 1991 est sans aucun doute Highlander, le retour. Un énorme ratage, un scénario invraisemblable, un Christophe Lambert ridicule. C'est bien naze et ça vaut à ce film le statut de nanar culte, à regarder à l'étarderie les lendemains de fête des bons cons. Oh waouh ! Merci Alain pour cet état des lieux. Embarquons donc pour un petit voyage à travers les films préférés de la jolie bouclée. Oh yeah ! Alors, vous l'aurez peut-être deviné, mais Chloé est une grande fan du film Le Locataire de Polanski. J'ai menti. Je veux bien sûr parler des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Vous connaissez l'histoire? En 1966, dans un Rochefort chatoyant et acidulé, Solange et Delphine sont deux jumelles qui rêvent d'amour et d'aventure. Et sur leur route, elles en croisent des hommes. Maxence le marin, Guillaume le peintre, Simon Dame le marchand de musique, Étienne et Bill les forains, ou encore Andy, le célèbre musicien américain, interprété ici par Jane Kelly, hommage mythique de Demy à l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne. Yvonne, leur mère, jouée par Danielle Darrieux, ne croit plus en l'amour. Une explosion de sentiments que le tandem Deneuve d'Orléac mène à la baguette, scellant ainsi l'image iconique de Françoise d'Orléac, sœur aînée de Catherine Deneuve, qui perdra tragiquement la vie dans un accident de voiture alors que le film vivait ses plus belles heures de gloire. Demy parlait des Demoiselles de Rochefort comme d'un film léger parlant de choses graves. C'est surtout un film qui met en joie et qui repeint en multicolore notre esprit. Alors offrons le bonheur à Chloé d'écouter son morceau favori. Ne restez pas là, circulez, soyez chic. Nous ne voulons pas vous être antipathique. Ne nous forcez pas à vous cogner dessus à bras raccourcis. Y avait du sang jusqu'ici. C'était une petite vieille aux blancs cheveux. C'est proprement immonde. Je n'aime que les blondes. C'est très gentil pour moi, monsieur. Ne vous fâchez pas. Je n'aime que les blondes, mais ce n'est pas parce que vous êtes rousse qu'avec un couteau, je vous couperai en morceaux. Pourquoi seriez-vous cet ignoble sadique? Ma foi non, et vous? J'enseigne la musique parce que ça me plaît. Moi je fais de la peinture abstraite, mais j'ai une ambition concrète. Je cherche vainement mon idéal. Alors je l'ai peint chez moi. Venez le voir une fois, nous ferons connaissance. Sacré Maxence! Comment savez-vous mon nom? Maman m'a dit hier votre prénom. Je vous ai aperçu dans son café. Je suis Solange Garnier. Ah, vous êtes la jumelle. Vous pourriez essayer d'être spirituelle. Où allez-vous comme ça? J'ai un train à prendre. Je vais deux jours en permission à Nantes. Je vais en permanente. Ça ne vous fait pas rire du tout. C'est de l'esprit à quatre sous. Grattez où ça vous démange. Tant pis, et salut Solange. On continue sur les comédies musicales avec un film qui fait un peu l'unanimité chez les bons coups. Moulin Rouge, avec le beau duo Ewan McGregor et Needham Keegol, pardon, j'ai contre-pété, Le Paris de la Belle Époque, Toulouse-Lautrec, La Vie de Bohème, Sexe, Drogue et French Cancan, Regard électrique entre Satine et Christian, et des musiques dont une, mythique, il faut le reconnaître. Allez, let's fly away. Ce Cela dit, les films musicaux, Chloé en aura un peu fait sa tasse de thé. On peut également citer Sister Act, inoubliable avec Whoopi Goldberg et McGonagall en bonne sœur, ou encore Tommy, sorti en 1975, un film fondé sur l'opéra rock du groupe The Who, dans lequel Roger Daltrey, fondateur et chanteur du groupe, y joue un aveugle sourd-muet, champion de flipper. Mais si l'on doit mettre le doigt sur le sommet du panthéon cinématographique de Chloé, c'est bien. Attends, qu'est-ce qu'elle disait, Solange, déjà ? Voulez-vous du Mozart ? Amadeus, pour sûr, monsieur Frodon. Chef-d'œuvre de Milos Forman, 3 heures de grand cinéma retraçant la montée à la gloire du grand Wolfgang Amadeus Mozart et de ses différends avec Antonio Salieri, qui, conscient de son génie, tentera de l'évincer. Nous sommes en 1781, la mode était à la dentelle et aux perruques poudrées, et l'on suit le jeune prodige arrogant qui peine bien à doser son gros grain de folie et qui rit. Mais il rit ! Wolfgang ! Wolfgang, mon cher ! Wolfgang ! Majesté, voici Frau Weber, c'est ma propriétaire. Enchantée, madame. Oh, sire, c'est un tel honneur. Et voici ma chère fille, Constance. C'est la fiancée de Herr Mozart. Vraiment ? Mais c'est charmant. Messieurs ? Très bien. Et à quand le mariage ? Eh bien, il faudrait encore que mon père consente à cette union, et ça, c'est loin d'être gagné, loin d'être acquis. Mais Chloé, c'est aussi des univers. Les films de Tim Burton l'ont fait rêver, ceux de Wes Anderson l'ont enchanté. Angelina Huston, chez ce dernier, l'a fascinée, aussi bien que lorsqu'elle était en sorcière lors de ses jeunes années. Mais savez-vous ce qui, par-dessus tout, fait émerger chez elle une excitation sans pareille ? Les films d'horreur. Mais pas n'importe quel film d'horreur, Harry. Les films d'horreur, nuls. C'est devenu une tradition. Les lendemains de fête chez les Soulards, vivre pleinement sa gueule de bois, avachis les uns sur les autres, devant ces morceaux de bravoure du 7e art. Il y a par exemple The Grudge 3, où le monstre fait des bruits chelous, comme ça. Ou bien encore, évidemment, l'indétrônable Catacombe, parce que Catacombe, c'est Catacombe. Charles vous dirait de ne pas y traîner. Chloé Soulard, c'est aussi des comédies françaises à foison, dont elle vous citera les répliques à la perfection. Les Visiteurs, forcément, et puis pendant son confinement, elle s'est fait une rétrospective Benoît Poulvorde. Mais aussi une grande passion pour Alain Chabat, les films où il a joué et les films qu'il a fait. D'ailleurs Alain, c'est une bonne situation, ça, retraité ? Oh, vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie de retraité avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul, confiné chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, bien sûr, comme je le disais là, ce n'est pas mon cas. Au contraire, j'ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de bons cons aujourd'hui me disent mais comment fais-tu Alain pour avoir cette humanité ? Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût de l'amour. Ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à rencontrer des bons cons et des bons vieux cons. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Merci Alain. Et si nous devions citer un dernier film parmi tous ceux qu'elle a poncé avec sa petite sœur adorée, Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears, sorti en 1988. L'histoire est la suivante. La marquise de Merteuil, Glenn Close, demande à son ancien amant, le vicomte de Valmont, John Malkovich Malkovich, de séduire la très jeune fille de sa cousine, Madame de Volanges, Susie Kurtz. Elle veut ainsi se venger d'un autre ancien amant à qui on a promis en mariage la jeune Cécile de Volanges, Uma Thurman, mais qui, elle, est amoureuse de son prof de musique, le chevalier Danceny, ou de Saint-Géréon, Keanu Reeves. Au début, Valmont refuse cette proposition, celle qui choisit de séduire, c'est la prude Madame de Tourvel, Michel Pfeff, qui séjourne chez la tante du vicomte pendant que son mari préside un procès en Bourgogne, ou bien s'enfile du Bourgogne en procès. On sait pas trop. Voici donc un extrait que les sœurs Soulard se plaisent à réadapter. J'ai attendu 5 minutes seulement et j'étais affolée. Je m'étais persuadée que jamais plus je Mon ange. Est-ce que c'est vrai pour vous aussi? Oui. En ce moment, par exemple, je suis persuadée aussi que jamais plus je ne vous reverrai. Quoi? Je n'en peux plus de tout ceci. Je m'ennuie beaucoup trop. Que voulez-vous dire? C'est simple, il y aura bientôt 4 mois. J'en suis désolée, ce n'est pas ma faute. Vous n'avez plus d'amour pour moi? Mon amour a eu grand peine à attendre que cède votre vertu. Ce n'est pas ma faute. C'est cette femme qui est en cause? Oh oui, je vous ai trompé avec elle, certes, mais Émilie n'est pas la seule. Ce n'est pas ma faute. Pourquoi faites-vous cela? C'est qu'il n'y a pas que Émilie, il y a une autre femme. Une femme que j'adore. Et j'ai bien peur que sur ces instances, je doive vous abandonner. Ce n'est pas ma faute. Voilà, Chloé Soulard, c'est tout ça, mais encore tellement d'autres choses. Ma douce, un très joyeux anniversaire. Votre si belle famille, je l'ai adoptée toute entière. Et que c'est beau d'être un Soulard. Alors ne cessez jamais d'être la si belle personne que l'on connaît. Amour sur vous. Valérie Benguigui, je ne t'oublie pas. PS, il faut savoir que je suis sûrement au bord de la crise de nerfs parce que j'ai été prise d'un énorme fou rire en enregistrant cette chronique. Donc voilà, c'est cadeau, c'est bonus, je vous offre le bêtisier, comme ça, allez hop, c'est parti, on enchaîne, joyeux anniversaire Chloé, je t'aime. Madame de Tourvel, Michel Pfff, qui séjourne chez la tante du vicomte. Elle m'a trop saoulée, Michel Pfff. Bon, je reprends, Madame de Tourvel... Michel qui séjourne. Voici donc un extrait. Voici donc. C'est chiant. Valérie Ben. Oh, Valérie Benguigui. J'en ai marre. Valérie Benguigui, je t'aime. Yes. Est-il près? Est-il loin? Est-il à Rochefort? Je le rencontrerai car je sais qu'il existe. Bien plus que la raison, le cœur est le plus fort. À son ordre, à sa loi, personne ne résiste. Et je n'y résisterai pas. La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je peux faire? Tu te gardes complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Lutin, lutin, malin, pesti. Waouh. Je la veux encore. Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Franchement.